Xavier, je vais te proposer de jouer avec moi à Jardin des Esprits, un jeu de Fabien Hildevaille. La quatrième de couverture nous dit: dans ces contrées, des esprits se lovent dans chaque pavé de la route. Chaque branche dans le vent résonne de leurs soupirs. Chaque geste quotidien est infusé par leur présence. L'invisible sature la trame du monde. Mais attirés ou créés par les drames anciens, des esprits sombres s'abattent parfois sur une famille ou une communauté pour la tourmenter. Pour y remédier, les maîtres des esprits voyagent de village en village afin de soigner et de reconstruire l'harmonie entre le monde matériel et le monde spirituel. Une partie du Jardin des Esprits raconte l'histoire de l'un d'entre eux et de son enquête patiente et attentive pour dénouer les relations intriquées d'une communauté et des esprits qui l'assaillent. Jardin des Esprits est un jeu de rôle pour deux participantes en 2 à 4 heures. Il demande de la patience et de l'engagement émotionnel. Il vous faut disposer d'un temps et d'un espace dédié à votre partie pour pouvoir pleinement vous immerger dans l'histoire que vous allez construire ensemble. Vous aurez également besoin d'un paquet de cartes à jouer et de quoi prendre quelques notes. Donc, sur les conditions matérielles, nous avons ce qu'il nous faut. Tu as devant toi du papier, crayon. J'ai ici des cartes. Oh, c'est donc pas des cartes traditionnelles, ça. Ce sont des cartes ordinaires. Ah, c'est le truc qu'on voit le dos. Les cartes nous serviront dans la partie pour la résolution des épreuves que traversera le maître des esprits que tu auras créé. Le jeu s'inscrit donc dans un contexte fictionnel. L'histoire se déroule dans un monde pré-industriel où la plupart des gens vivent dans des villages et vivent de l'agriculture ou de l'élevage. Les maîtres des esprits vont de village en village pour soigner les esprits et les humains. Les uns et les autres sont inextricablement liés. Tout le monde croit à l'action des esprits sur le monde, en particulier pour les phénomènes ou comportements exceptionnels. Pour agir, le maître des esprits doit s'intégrer à la communauté, y travailler et s'intéresser à ses membres. Les maîtres des esprits sont toujours accueillis avec respect. Si quelqu'un ne manifeste pas ce respect ou doute de leur capacité, il fait forcément partie du problème. Un maître des esprits peut employer toutes sortes de rituels dont la forme ne dépend que de lui. Les rituels pour communiquer avec les esprits ou pour obtenir des informations sur le monde sont sans contrainte. Les rituels pour agir sur les esprits ou sur le monde doivent nécessairement impliquer un membre volontaire de la communauté. Il ne suffit pas de découvrir les secrets de la communauté, il faut aussi aider ses membres à y faire face. Pour jouer, j'ai lu toutes les préparations que contient le jeu, plutôt, et j'en ai retenu personnellement deux qui me semblaient adaptées à notre façon de jouer à tous les deux d'une part, et qui m'intéressaient d'autre part. Je vais t'énoncer les thèmes correspondants, les thèmes qui sont abordés dans cette préparation. Préparation, c'est un canevas, une situation qui s'offre au maître des esprits. Et donc, t'indiquer les thèmes qui sont abordés par celle-ci. La première aborde le thème de la guerre, du deuil, de l'incendie, du suicide. Si je t'énonce le thème, c'est pour que, si le thème ne te convient pas, tu écartes la préparation et que tu me dises que celle-ci ne te convenant pas, on en choisisse une autre. Et la seconde que je te propose concerne a pour thème difficile la violence sur les adolescents et par des adolescents, la guerre, une grossesse ou accouchement difficile et les incendies. Laquelle retiens-tu ? La une. La première ? Mmh. D'accord. Donc, sur le déroulement de la partie, à proprement parler, la partie se déroule comme une conversation dans laquelle nous raconterons, tu raconteras plutôt, les initiatives et les actions de ton maître des esprits, et j'évoquerai les réactions que ces actions suscitent, tant du point de vue des esprits que de l'environnement ou de la communauté. On a évoqué des cartes. Ces cartes serviront en partie à faire évoluer la partie. Lorsque le maître des esprits en apprend sur un esprit, un personnage, un lieu ou un objet important dans la préparation, le canevas qui nous est proposé, je montrerai la carte qui lui correspond. D'accord ? Lorsque le maître des esprits se lie à un personnage, un lieu ou un objet important de la préparation, je retournerai, révélerai la carte correspondante, je la replacerai ensuite. Et lorsque le maître des esprits devra surmonter une épreuve, un cadre de la fiction que nous développerons, alors tu devras, en fonction de la difficulté de cette épreuve, retrouver dans les cartes qui seront disposées soit une série de couleurs, soit une série de cartes qui symbolisent des personnages, des lieux. Est-ce que ça compte si on regarde juste le dos de toutes les cartes? Bah, le dos, il est identique. Oui, bah du coup, ça compte. Tu vas avoir, par exemple, une présentation, comme ça. D'accord. Si tu rentres en contact avec un élément de la préparation qui est significatif, je te révélerai la carte correspondante, mais je la replacerai et on poursuivra l'histoire. Le moment venu, je te demanderai, et il ne s'agira pas de hasard, c'est à toi de te souvenir, mais tu n'as pas le droit de noter ces éléments. C'est juste à ta mémoire qu'il faut te fier et à ton implication émotionnelle et ta concentration au regard de l'histoire. Donc, à ce moment-là, si par exemple je te dis que ceci correspond au pont supposé hanté par la communauté, et que celui-ci a la valeur 2 de trèfle dans la présentation, je te l'aurai montré. Si je te dis qu'il te faut pour rendre le lieu à nouveau sauf pour la communauté, sans danger pour celle-ci, il te faut mener un rituel, et donc pour que ce rituel soit mené à bien, situation facile, tu dois retrouver une carte, je te dis, retrouve-moi le 2 de trèfle. Et donc, tu n'auras le droit, puisque tu dois rechercher dans ce cas qu'une seule carte, tu ne pourras retourner qu'une seule carte. Si tu la retournes, tu y parviens. Si tu retournes une autre carte, tu échoues. D'accord ? Mais Eve, est-ce qu'elles vont être bougées, les cartes ? Non, elles resteront au même emplacement, mais elles ne te seront révélées que dans la mesure où tu seras entré en contact avec le lieu, l'objet d'importance, le personnage. D'accord ? D'accord. L'emplacement des cartes, les unes par rapport aux autres, répond à quelque chose. Ce n'est pas un hasard. La valeur des cartes n'est pas un hasard. Il est symbolique. La couleur des cartes, la famille, l'est tout autant. Tout fait sens. C'est une symbolique au regard de l'histoire que nous allons évoquer. D'accord ? Donc, tu auras peut-être, je ne sais pas ce qui se produira, mais tu peux très bien te trouver dans une situation où tu as vu, là en l'occurrence, les cartes n'étaient pas battues, donc on va avoir que du trèfle, d'accord ? Ok ? Ok. Mais, admettons que tu sois dans cette situation-là, tu sais à quoi correspondent toutes ces cartes-là, celle-là tu sais pas. Par rapport à l'épreuve qui est la tienne, tu dois chercher un élément que tu n'as pas déjà inventorié. Donc, par déduction, c'est nécessairement celui-là. Oui. Voilà. Il n'y a pas de hasard. S'il y a un hasard, c'est que l'épreuve est pour toi prématurée. Que si tu entreprends l'épreuve, c'est voué à l'échec. Que le rituel ne pourra pas s'accomplir tel que tu l'envisageais. D'accord ? Ok ? Ok. Alors, j'ai dit que c'était... Si tu n'avais qu'une carte à chercher, c'est que c'est une épreuve facile. Difficile, 2 cartes. Très difficile, 3 cartes. En revanche, les cartes peuvent... Tu me demandais si elles peuvent se déplacer. Pas vraiment. Mais si tu as, par exemple, on évoquait le pont, une fois que le pont... l'esprit du pont aura été neutralisé, la carte demeurera révélée, puisqu'elle n'a plus un caractère obscur et inquiétant. D'accord ? En revanche, ce côté, c'est méchant ? Non, c'est pas méchant. C'est ce qui reste à découvrir. Une fois que toi, en tant que maître des esprits, tu as identifié, circonscrit le problème, elle t'est révélée. Si, en essayant de le faire, en revanche, tu n'y parviens pas pour X ou Y raison, la carte va être retirée de la préparation. Et c'est donc une ressource qui te manquera. C'est le seul mouvement qui peut intervenir. C'est de la situation initiale que je t'ai présentée, tu te retrouves avec une carte de moins parce que tu as fâché définitivement un membre de la communauté... tu n'es pas parvenu, par exemple, à empêcher que la communauté se reporte toute son aigreur contre lui et il a été chassé définitivement de celle-ci, par exemple. Je disais, et je reviens sur un point, et j'en aurai fini avec la présentation, je disais tout à l'heure, que le jeu attend une implication émotionnelle des participantes. L'implication émotionnelle, ça veut dire qu'il convient s'imprégner des sentiments des personnages qui sont évoqués. D'accord ? Et des liens qui les lient. Toute l'histoire, ou l'enjeu ou le sel du jeu, c'est d'explorer ce qui lie les personnages, ou ce qui les désunit d'ailleurs, pour faire en sorte qu'ils acceptent cette situation si elle est irrémédiable, ou en tant que maître des esprits, si tu peux contribuer à remédier à la situation, c'est apporter ton aide à ceux qui seraient désunis. Ok ? Okay.